60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Chaud, radio, classable, moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, j'avoue présentement 70%. Bonne écoute. Allô, les amis de Noël! Oh, c'est grand-maman Millie et grand-maman Fran. Et oui, vous êtes à 70%. On est accompagné de les fidèles compadres Mathieu Boudreau et Bruno Corbin. Bonsoir. On termine l'année 2013, une qui en fut une de 365 jours. Voilà. Oui. Oui, et un quart, genre. Là, c'est... Ouais, mais non. Non? Non, non. Pas encore. Mélange pas les affaires. Mélange pas les affaires. Donc, des grands moments pour l'année. Est-ce que vous avez une référence tangible, une affaire qui vous a touché? Parlez-moi pas de lac mégantic, là, puis de Fukushima, oh, là. Hein, on parle de belles affaires, là, hein? Moi, là, je vous demande une question ouverte avec des réponses très fermées. 2013, moi, je trouve que ça a été une grosse année pour moi, en tout cas dans ma vie. Fait que c'est ça, je pense. C'est bon. Parce que ma vie, j'ai passé par plusieurs vagins de grandir. Oh! C'est comme si j'ai renaquis à plusieurs niveaux. Ouais, ouais, c'est ça. C'est en passant par des vagins métaphoriques. Ouais, ouais, voilà, voilà. Ben bravo, Bruno. Ben, ouais, bon, on espère que cette nouvelle sagesse va transpirer. J'ai passé par des vagins physiques, là aussi, en passant. Oui, ah, oui. Ça intéresse. On veut pas remettre surtout des, en doute. Mais les plus importants, c'était les métaphoriques. Mais voilà, c'est souvent le cas. Mais ceux qu'on touche pas nous atteignent le plus souvent. Voilà. Et puis toi, Mathieu? J'en ai touché des vagins aussi cette année. Moi, ce qui m'a marqué. Moi, le feu, lac mégantique, tu parlais de lac mégantique, ouais. Moi, ça me touche pas, le feu. Je suis immunisé. Je suis level 6. Puis, ben non, moi, c'est plutôt au niveau de l'emploi que ma vie a basculé. J'ai fait l'expérience du parking. Mm-hmm. Le parking. Ouais. Le parking. Pendant un an, j'entends encore son cœur qui bat. Ouais, ben, moi aussi, je dirais le parking, c'est pas mal c'est... une moi de si, mes révélations. Moi, si j'avais quelque chose à dire par rapport à lac mégantique, par exemple, c'est que clairement, à lac mégantique, tout le monde de party sont morts. Ouais. Il y a comme plus personne de party dans cette ville-là. J'avoue que c'est comme le bar qui a goûté en premier. Ouais, c'est pas mal ça. Ceux qui sortaient le jeudi, en tout cas, on pense à vous autres là-bas. Ouais. C'est la ville la plus plate au monde maintenant. Désolé, c'est pas grave là, on sait que... Non mais... Non mais c'est une tragédie là, mais... C'est vrai, une tragédie à tous les niveaux. Ça passe au travers de ben des affaires. On a parlé du parking, on a parlé de tout, mais on n'a pas vraiment parlé de Nathalie Simard encore. Mmh. Est-ce qu'on est au courant de ce qui arrive à Nathalie Simard? Non, faudrait peut-être demander à Predge. Peut-être. D'habitude, c'est lui d'habitude, notre expert. On a Guiz à la console présentement, il va venir plus tard dans l'émission faire ce qu'il sait bien faire le mieux. Allô? Allô? Sinon, on a un spécial de Noël qui a été préparé par Predge. Il n'y avait pas de vote sur le site de douteux.org, mais je vais quand même trouver le moyen de parler un petit peu du spécial de Noël de Rambo et de celui de Shira et de He-Man, parce que c'est quand même deux de mes préférés. Et ce soir, Predge nous a amené aussi le spécial de Noël de Mr. T. Il y a vraiment toutes sortes d'affaires pendant que les deux vieilles madames sont... Ils comme mes peurs. Ils ont vraiment du fun dans la montagne russe de green screen. C'est du méta green screen en c'est plus. C'est du blue screen en fait, j'imagine, parce que sa chemise est verte en maudit. Hein, ouais. Madame, mais bon. Parce que là, ils sont comme blue screen dans notre green screen. Ouais, en tout cas, c'est pas facile. C'est on vit des grands moments. Ouais. Des grands, c'est le cas. Ça paraît-tu que notre invité s'est pas déplacé? Non, moi, je pense que ça prendrait une toupie pour savoir si on. Leonardo DiCaprio, laissez faire. Ah. Guiz parle en code, on est dans ça prendrait une toupie pour checker si Leonardo DiCaprio laissait faire. Ouais. Si ça, on le dit à l'envers, on le dit à l'envers. Laissez faire. C'était-tu reste... comme un code pour bombarder la Normandie, ça? On a-tu rempli le temps de l'inviter, là? OK. Non, pas encore. Parce qu'en fait, on est un petit peu à la fin de la saison, et puis ouais. C'est la deuxième année de télévision qu'on fait pleine à Douteux TV, et puis ça, ben, c'est quand même plein de niveaux qu'on est en train de gagner, et j'en profite pour mentionner que la semaine prochaine, à compter de la semaine prochaine, 70% va durer une demi-heure de plus, parce qu'on a, on est très content de revoir parmi nous Étienne Forêt, qui était à la source du premier et seul spin-off de 70%. comme il est un petit peu tanné de faire les choses tout seul et qu'il s'ennuie bien gros de nous autres, tellement on est sympathique, ben à partir de lundi prochain, on va tout le temps commencer un petit peu comme ça, sûrement. Ouais. Puis en tout cas, on verra bien. Là. Sinon, grosse nouvelle cette semaine. Michael Schumacher est tombé dans le coma cette nuit dans un accident de ski. Ben, ouais. C'est ça. Fallait qu'il y ait moins vite. Ouais. Grosse nouvelle. Et voilà, merci, Guiz. Qui a de quoi à dire? Il y a eu des bombes qui ont explosé en Russie. La fille qui jouait dans Les Dames de cœur est morte. Oui. C'est quoi, t'as un onglet de nouvelles cette semaine? Non, j'écoutais 98.5 en mouvement. Ah, tabarnak! Ça jase des vraies affaires. Ben sinon, c'est 70%, hein? Oui. Ouais, ouais. On est encore dans Noël, on est encore imbibé de magie. Ça commence à être un petit peu comme collant, là, la magie, là, à force que l'éponge est pleine. Mais bon, on est dedans encore. Et c'est pour ça que... Parce que Noël, c'est une des belles fêtes qui touche tout le monde partout. Et il faut pas oublier que là, on quitte un Noël pour en rentrer tranquillement dans un autre. C'est pour ça que j'ai la chanson, ma chanson de Noël préférée. On va écouter le Noël du campeur de Rock Voisine, tel que remonté par une station de radio qui a vraiment rien à faire. Et puis, ben après ça, ça devrait être des nouvelles avec Bruno et 70% qui déboule. Ouais. On parle de Noël, on est un petit peu tard. On est-tu bien au bout du quai? Au bout du quai. Ouais. Quand il fait 25 à Londres, 25. Moi non plus, je la connais pas. Tu connais pas la toune? Vous connaissez? Non. On va déviarcher. C'est la toune que. Ok, ben j'en parle un petit peu, là. Rock Voisine a fait beaucoup d'albums de Noël parce qu'il sait y est où le cash. Et sur un de ses nombreux albums de Noël-là, il a fait une toune qui, à mon sens, légitimise totalement l'idée du Noël du campeur tel que créé par le camping Sainte-Madeleine, là, celui qui est à côté de l'Avin, le camping que tout le monde veut aller. Là, ils ont fait ça dans les années 70 pour que les travailleurs qui s'occupaient de l'autoroute aient une place où aller dormir. Et comme les gens, les êtres humains, c'est une bébite à habitude, ben... on voilà. Est jamais parti. Puis ils ont décidé de faire ça 7 mois exactement après Noël. Oui. Parce que s'ils faisaient ça 6 mois exactement après Noël... Ça serait à Saint-Jean. Ça serait tombé à Saint-Jean, ça marche puis pas. Puis ça marche pas. Donc le Noël du campeur, c'est le 25 juillet, c'est officiel. Et on écoute ici l'hymne tel que composé par l'incroyable, le mirobolant Braillon, Rock Voisine, qu'on adore, qu'on adore. Peace. Sainte-Madeleine, notre Acadie, du mont tremblant, la ville qui gelée, il y a une tradition qui se poursuit. L'amour ici jusqu'à percer. C'est un soir que ça va se passer. On est en train de l'organiser. Ma tante Rachel a passé la journée à cuisiner. Moi donc les demandes en construction est en congé. Puis tout le camping est décoré. Sous le soleil. réveille le Père Noël en vacances au Roltan nous visiter. On le verra deux fois cette année. C'est Noël, on est du bain au bout du quai. Quand il fait 25 à Londres, 25 juillet. C'est Noël, en été, bonne neige à pelleter. C'est un peu comme ça. Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Ok, c'est à moi. Bruno, t'étais comme hypnotisé. Oui, c'est tellement bonne cette toune-là. Ouais, c'est création d'Annie Daniel Gabriel, qu'on remercie beaucoup encore une fois. Le logo de douteux.tv. Et voilà. Alors, oui, voilà. On commence au Québec. Ouais, donne-moi deux secondes. Là. D'accord. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de prendre le contrôle. Ben oui, je vois ça, là. Ouais. Okay. Tiens. Ah, mes TV. Mes belles TV qu'on comprend pas exactement. Ça ici, je pense que c'est peut-être un attentat terroriste qui se passe là. Les nouvelles du monde. Ouais. Ah, d'accord. Alors, on commence au Québec avec Bruno Leduc. Oui, oui, un certain Bruno Leduc. Excusez, mon iPad vient de se fermer. Qui a intenté une poursuite contre la République dominicaine après avoir passé des vacances pluvieuses dans ce pays. Il a été déclaré récemment plaideur quérulant par la juge Diane Kenville. En effet, l'homme aurait intenté 70 poursuites aux petites créances dans les dernières années, incluant une poursuite de 4 000 $ contre Air Canada, qui l'ont déplacé d'un siège classe affaires dans lequel il était assis pour le déplacer dans le siège classe économique qu'il avait payé pour. Fait qu'il les a poursuivis. Il les a poursuivis parce qu'il y a eu ce qu'il avait payé pour. Parce que c'est ça, exactement. OK, ils ont donné de l'espoir, genre, puis finalement, ils ont... Non, ils ont même pas donné de l'espoir. Lui, il a décidé que ça soit dans un siège classe affaires. Ah, Chris, ça va bien, hein? Ouais. OK. Ce statut de plaideur quérulant l'empêche d'intenter de nouvelles poursuites sans l'autorisation d'un juge, donc peut-être qu'on va avoir la crise de paix. C'est quoi, c'était-tu sa première fois qu'il... C'est la 70e fois qu'il faisait une... Voilà, c'est l'information qui me manquait. C'est ça, que parce que t'écoutais pas. Ben c'est parce que... C'est parce que t'écoutais pas, Tommy. Je m'excuse. C'est ça. Les gens à la maison, eux, ils écoutaient. Et voilà. Hey, let's go, prochaine. J'aimerais seulement mentionner en ce moment que la raison pour laquelle on voit la caméra dans la caméra, c'est pour faire tout le monde en parle. Exactement. Tiens, un petit peu, je vais le mettre. Pour ceux qui se le demandaient, là. Et voilà, on a un double Bruno. Ouais. Je peux regarder dans la caméra, puis là, on voit dans la caméra que je regarde la caméra. Et... Que je regarde la caméra. OK, attends un petit peu, je change. OK. OK. Okay. C'est bon. Alors qu'elle s'ostinait avec son père sur l'emplacement de la Grande Ourse et autres constellations pendant la veillée de Noël, Nadja Olson de Londonderry en Irlande a décidé qu'elle en avait assez et a poignardé son père à l'abdomen afin de prouver qu'elle avait raison. C'est pas drôle. C'est un petit peu drôle. Quand même. La femme de 22 ans a été accusée de voies de fait et devra comparaître en cours le 2 janvier. On continue avec des causes importantes de G. Todd Brown, le juge du Montana qui avait déclaré qu'une adolescente victime de viol semblait plus vieille que son âge chronologique et donc que c'était pas un viol, vient d'en sortir une autre pas pire. Elle avait des grosses balles, fait que c'était correct. Oui. Alors, il a donné une sentence de 6 mois de prison à Pacer Anthony Ferguson pour avoir fracturé le visage de sa blonde à 3 endroits en la punchant en face. Si vous trouvez que cette sentence n'est pas assez sévère, sachez qu'il devra copier 5000 fois « Les gars ne frappent pas les filles ». Ben non. Aussi. En anglais, c'est moins long encore. « Boys don't hit girls ». C'est ça, c'est moins long. Oui, oui. Le juge, mais non. Oui, il faut qu'il remette ça le 23 mai, puis il faut que ce soit numéroté. J'invente rien. Mais non. Je suis pas là pour inventer des affaires, je suis là pour rapporter des affaires. Tu nous parles de l'univers. Oui. Tel que démontré par la race la plus cool de toutes. Les De toute la planète au moins, en tout cas. Oui, oui, oui. C'est-tu celle-là qui avait deux photos? Oui, c'était celle-là. On voyait le juge et après, on voyait le gars qui avait fessé sur la femme à plusieurs reprises. Il avait l'air très qu'il casse la face à 3 places. Pour qu'elle comprenne Calice. Voilà. Selon une récente étude de l'Université de Caroline du Nord, environ une femme américaine sur 200 croit qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle était encore vierge. Selon l'étude, les femmes souffrant d'immaculée conception sont 2 fois plus susceptibles d'avoir signé une promesse de chasteté. Leurs parents aussi sont plus susceptibles d'avoir eu de la difficulté à leur parler de sexualité ou de contraception. Selon les auteurs de l'étude, il se pourrait que ces femmes ne soient pas vraiment atteintes d'immaculée conception. Ah, oh, misère! Mais plutôt de s'être mélangées dans les dates, où elles sont tombées enceintes par rapport à leur rapport sexuel, ou simplement qu'elles ne veulent pas admettre avoir eu des relations sexuelles. L'étude a aussi révélé qu'une bonne quantité de born-again virgins ont perdu leur virginité, mais ont quand même indiqué dans le sondage qu'elles étaient encore vierges. Ah oui, parce que c'est dans la tête que ça se passe. Voilà. Ben oui, parce que tu peux redevenir vierge. Oui, oui. Aïe, aïe. Abstinence ici, quoi ça? C'est à peu près 99,999% effectif. On c'est a ça. La Sainte Vierge ici qui, elle, a tenu elle... son bout jusqu'au voilà. bout. Exactement. Hey, t'en fais-tu une dernière? Ben oui, je vais faire un petit blitz aéroport. Un sans-abri a été arrêté à Phoenix après avoir grimpé la clôture de l'aéroport immédiatement après l'atterrissage d'un avion de Southwest Airlines. Le pilote ayant été avisé que l'homme se dirigeait vers son avion a fait demi-tour, mais Robert Bump, 49 ans, a réussi à atteindre l'avion et à le gifler. L'alcool aurait eu un rôle. Il est allé gifler l'avion. Oui, il est allé gifler un avion. On ne sait pas encore pourquoi exactement. Mais je veux savoir pourquoi. Semblerait-il qu'en Arizona, les duels ne sont pas encore illégaux. Donc, c'est peut-être de ça qu'il s'agissait. On reste dans les avions. Un homme a réussi à sauter la clôture de l'aéroport de Newark au New Jersey cette fois-ci, alors qu'il tentait de se sauver d'une date avec un autre homme qui n'allait pas très bien. Sia Brown, 24 ans, a réussi à passer au travers du système de sécurité de 300 millions de dollars de l'aéroport, vêtu d'un pantalon pour femme rouge et d'un chandail pour femme rouge. L'homme a été arrêté, son identité vérifiée pour être sûr que c'est pas un terroriste et relâcher puis l'attendre en cours pour faire de, parler des vraies affaires. Monsieur le juge, oui. On m'a tendu un piège. Il va peut-être être obligé de copier 5000 fois. Je ne sauterai pas par-dessus la clôture de l'aéroport. De l'aéroport, ouais. Parce que, en fait, je ne sauterai pas par-dessus les clôtures. Point. Ah, on ne met pas de clôture si on veut que le monde saute par-dessus, Bruno. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, par exemple. Colin. Hey, là-dessus, on s'en va écouter une autre des chansons de Noël qui fait légende de par un petit peu tout partout. Vous allez voir, c'est Pee Wee. C'était dans le temps, tu sais. Ça, c'est Bryan Adams, qui est laid depuis tout le temps. Et c'est Reggae Christmas. Checkez bien ça, c'est. Ok, là, pas de joke, là. Ce qui s'en vient, je viens de découvrir ça, et ça vient de NCI. Vous allez voir, il y a deux personnes, tu sais, parce que c'est ça qui arrive quand tu te fais attaquer par un virus informatique, il y a comme plein d'images comme ça qui pop, et ensuite, il faut y aller sur le clavier, et là, les deux ici du NCI, là, ils sont en train de... Puis là, l'autre, il dit, attends, je vais t'aider. Je sais pas si vous concevez à quel point ça se peut pas. Mais... He's very good. Oh oui, oh, he's too good. To get in Abby's computer, the entire NCIS network is next. I can't stop him. Do something, McGee. I've never seen code like this. Where'd he go, Abby? I didn't do anything. I thought you did. No. Bien, bien. En tout cas, on est en onde. Hey, salut Tommy. Yo Giz. Comment ça va? Je vis des moments pas pires, là, je te dirais. C'est moyen et plus extravagant, même. Je t'écoute. Ben, moi aussi, c'est relax. Écoute, j'ai découvert le jeu League of Legends, comme je parlais la semaine passée, puis je me suis mis à m'intéresser à... Quoi? Non, c'est que t'es trop centré, il faudrait que tu sois plus vers la droite de l'écran. Moi, j'ai utilisé l'autre. Ok, je prends l'autre. Ouais. Ici? Oh, ouais, ça va bien, continue, toi. Ok. Non, c'est ça. Puis j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est compétition de jeux vidéo. Là, j'ai découvert un univers avec des annonceurs qui gueulent, puis que c'est comme un match de hockey, c'est excitant, la foule crie, il y a des écrans géants, c'est vraiment fou. Fait que je me dis, comment je pourrais adapter ça? Ah, il se passe beaucoup trop de choses. Non, non, toi, continue. fait, parle, les techniciens vont s'en occuper. Ok. Alors, comment qu'on pourrait adapter ça? Alors, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un match de Pong datant de 1972. Pong est un des premiers jeux, en fait, le premier jeu qui a été adapté pour jouer à la maison. Donc, c'était sur la console Magnavox de Odyssey et qui a ensuite été popularisé par Coleco parce qu'ils l'ont copié en le vendant moins cher. Donc, on regarde ça, un match opposant... deux personnes inconnues sur YouTube, c'est excitant comme ça, aucun bon sens. On est vraiment devant un match final de Pong. Écoute, du bon vieux temps. Sans spoiler, c'est la... Non, pas de spoiler. Donc le match commence, et déjà 1-0 pour la palette de gauche. Ça part excessivement vite, 2-0, on est encore en première période. C'est... Écoute... On a eu que des services jusqu'à date. Moi, je pensais que c'était terminé. Heureusement que... J'ai continué d'écouter le match parce que j'aurais été vraiment déçu. Donc, je vais un peu de vous spoiler ça. Regardez-moi la remontée. Hey, c'est incroyable. Écoutez, habituellement, un match à 3-0, c'est hors de portée. C'est très rare les remontées comme ça. Surtout à Punk dans les années 70. Hey, quel effet de la bande. Non, mais écoutez, c'est... Là, ça y est. Moi, j'ai envie de croire que la personne qui est à gauche, c'est l'ordinateur, par exemple, parce qu'il n'y a jamais d'accélération. Non, non, non, non, non, non. On m'a dit que c'était un match épique entre deux êtres humains vivants. Oh! Et... Il n'en finit plus des rebondissements. Oui, c'est ça que ça fait, Pong, hein, ça rebondit. Alors, le momentum est comme un peu partagé, parce qu'après avoir fait 3-3, remonté 3-3, on s'est échangé un but de chaque côté, donc ça va bien. Ouf! On rappelle qu'à Pogne, dans les années 70, la balle accélère de plus en plus. Oh, 5-4. Ouais. Hey, lâchez pas, c'est une game de 15. Ouf. 15 en tout ou 15 pour gagner? 15 pour gagner, c'est comme dans les sports de raquettes que je connais ça beaucoup. Les sports de raquettes comme le volleyball. Ou la raquette. Ou la raquette, ouais. Donc, 6-5 pour la droite, c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir vraiment le momentum aller du côté droit. Donc, un joueur probablement plus concentré, parce que c'est quand même assez répétitif, ça prend quand même des nerfs d'acier pour jouer à Pong. Il y a quand même un bouton qui est une roulette, donc c'est quand même assez difficile à maîtriser quand on est un gars à gauche, il est pas bon. Mais c'est ça, à gauche, il comprend pas, là. Il y a une accélération qui doit se faire. Oh. Je rappelle qu'on est dans les années 70 et que les jeux vidéo, c'est encore nouveau. Tu sais, c'est pas... Il y avait pas encore des écoles pour apprendre à jouer à des jeux vidéo comme en Corée. Mais, mais c'était-tu... ça a été enregistré dans les années 70? Oui, mais ça a été remasterisé en numérique parce que c'est un match épique, évidemment. Pour des questions de copyright, je peux pas vous dire le nom des deux joueurs excitants qu'on regarde en ce moment. J'ai aucune idée. C'est pas... fait que palette de gauche puis palette de droite, c'était pas leur vrai nom, ça? En fait, palette de droite, je crois que c'est son vrai nom. OK. Donc voilà, le 12 à 5, on voit que le momentum va jamais changer de côté, donc tout va bien. Donc, trêve de plaisanterie, je fais des jokes avec ça, mais c'est quand même ce petit jeu qui a été le premier jeu qui est arrivé sur les consoles à la maison, qui est un peu l'ancêtre de tout ce qu'on vit aujourd'hui, vous qui êtes amateur de jeux vidéo à la maison. Fini. Ouais. Donc voilà. Wow. Donc 15 à 5. Impressionnant. Donc merci. Merci Pong. Pong. Merci Coleco d'avoir volé le concept à une autre compagnie et de l'avoir vendu vraiment moins cher. Si je ne me trompe pas, le Magnavox Odyssey se vendait en 1972 $300. Donc 300$ en 1972, c'est comme 8 500 € aujourd'hui. Et Coleco, pour essayer de les battre, ont vendu la même chose, mais en plastique cheap, dégueulasse, à 50$. Woohoo! Donc... Ils se sont fait manger. Et voilà. C'est quand même 1 200 € aujourd'hui. C'est quand même 1 200 € aujourd'hui. Donc, merci Pong. Donc, joyeuses fêtes tout le monde. C'est C'était ça? C'était ça aujourd'hui. Okay. C'est, j'ai joué à League of Legends toute la semaine. C'était pas Jack Claude. Il est comme pénitent. Le pénitent, le pas. Ça, là-dessus, parlant de pénitent, on s'en va dans une de mes. Une des belles affaires qu'on a eues cette année, c'est Notre Home. Vous allez voir, c'est super beau. Ah, là. C'est oui, le Parti c'est québécois, puis la liberté, puis tout. Là. On est à 70%, on va revenir avec c'est Mathieu. C'est fun d'encourager. How far I may go, my heart will always know. A place where I call home is still finding its way. Je me souviens d'où je viens, mon héritage toujours le mien. Although we feel the same, we're still waiting on change. We all know we shouldn't use cotton swabs to clean or dry our ears. They even warn us, but we do it anyway. Ah! Stop. There's a better way. Introducing WaxVac, the safe and effective way to clean and dry your ears. WaxVac will help your whole family feel better and keep their ears healthier. Here's how it works. Unlike cotton swabs, which push dirt and harmful wax further into your ear and can puncture your eardrum, ouch! WaxVac gently draws dirt particles and moisture out of your ear rather than pushing it in. There's nothing else like it. WaxVac is quiet. Listen. Safe. Its unique safety guard prevents it from going too deep like an ear thermometer. And effective. See how gently it vacs water and dirt, leaving your ears clean and dry. You just empty it out when you're done. Doctors everywhere warn against using cotton swabs to clean your ears. Don't use a cotton swab in your ear because it can cause significant damage. No one likes water in their ears. Don't pound your head. Use WaxVac instead. I know I shouldn't use cotton swabs to clean my ears. WaxVac seems like the perfect solution. Sometimes cotton swabs hurt. If they like it, I love it. What a great idea. WaxVac just makes sense. Stop using other ear cleaners that don't work and stop using cotton swabs that can damage your ears. Ow! Call and order the WaxVac now. Ah! Hey, je t'ai trouvé une belle Bible en background, man. Hey, ça, c'est beau, hein, maudit. Ça, c'est. Ça brille. C'est les vraies valeurs, man. Ça fait Mao puis Jésus en même temps. On est toi, moi puis le monde. C'est toutes des gens que je respecte énormément, moi. Mao puis Jésus, Spider-Man aussi, j'ai bien du respect. Cette semaine, Tommy, j'aimerais ça remercier les gens. Hein? Encore eux autres? Ouais, ouais. Je t'écoute. Je voudrais dire leur dire merci pour tout. Tout là, ce qui existe, ce qui va exister et ce qui a existé. Sur la Terre, dans l'atmosphère, partout. Là, les jeans, merci. Tout, tu sais, on prend jamais le temps hein, de remercier, faire ces affaires-là. Puis comme je suis rendu comme à 16 ou 17 bières puis 7 buvards, ben j'en profite. T'sais. J'y vais. Moi, ouais, je te sens émotif. Je me laisse pas mal, te dirais. Il y a un calinours qui me traîne à l'autre coup. Merci. Merci, sincèrement. Hein. Moi, le temps des fêtes, ça me rend nostalgique. Je sais pas, on dirait, je sais pas pourquoi on dirait que c'est fait pour me rendre demain. On dirait que ça a été fait dans ce but-là. Ça me rappelle, je me rappelle les Noëls d'antan, la dinde, les cadeaux, le réveillon. Mais j'ai jamais connu ça, moi. Là. Non, j'ai vu ça à TV, moi. Ça fait 30 ans que je vois ça à TV. Puis, ben là, mon psy, il dit que c'est parce que je fais de la transposition. Ça me rend nostalgique parce que chez nous, on était bien pauvres et on n'avait pas les moyens de se payer ça. Puis hier, mon fils, il me dit « Papa, papa, t'écoutes la TV depuis mardi passé. Faudrait peut-être que tu prennes un break. » Au moins que tu manges quelque chose. Bon, c'est ses problèmes à lui, s'il trouve que je mange pas assez. J'imagine que 1 plus 1 est égal à 2. Hein? Je suis nostalgique d'un Noël que j'ai jamais connu. Bon, je sais, habituellement, je fais des jokes, fait que j'en ai préparé une. C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu, qui voulait rentrer dans la police. Mais chez eux, il était bien pauvre, puis sa sœur est tombée malade, fait que finalement, je suis jamais vraiment devenu policier. Là, ça... Non, moi, Noël, ça me déprime. Le temps des fêtes, tout ça, ça me. J'ai le goût de tirer du shotgun dans les centres d'achat, d'arracher les têtes de chat des animaleries, tu sais. Mes proches s'en rendent bien compte, là, quand je fais ça, je vois pas super bien. Tu sais, je suis un vidéo YouTube de mon premier chinois, comme l'autre dirait. Ah! Merci, Giz. Il y a bien du respect pour toi. Ah! Pareillement, on mange pas assez de chinois. Ah. Quand j'étais jeune à Noël, Noël c'était important. Noël c'était important. Mon père, le 24 décembre, il nous réunissait tous dans le salon. Là, il y avait des guirlandes, il nous attachait avec, serré. Puis, il nous racontait une histoire. Toujours la même, l'histoire de la craie de Noël. Est-ce que tu vas nous la raconter maintenant? Ben, je pense bien que oui. Hein? Oh, yeah. Parce que mon père, dans sa famille, était crissement bon. Il était tellement il disait qu'il mangeait même pas, lui, une petite claque ou une jambette au réveillon. Là. Rien. Ben, tu sais que nous autres, on se trouvait chanceux quand il disait ça. On disait, au moins, nous autres, on en mange, tu sais. Puis là, son père, un homme dur et intransigeant, un soir du 24 décembre, il avait demandé d'aller vendre des allumettes au centre-ville pour pouvoir s'acheter une bouteille de phare. Parce que, comme il avait dit, Noël ou pas, m'a boire tabarnak. Hein? Selon toujours les dires de mon paternel. Je le reconnais, hein? C'est quelqu'un de ta famille, j'aime ça. On le sait tout de suite, on dirait. Ouais. Ça, c'est des traditions chez nous. Fait que mon père, il se rend au centre-ville, puis après avoir décalissé 3-4 plus pouilleux que lui, ben il s'installe pour vendre ses allumettes. T'sais. Mais ça marchait pas, là. Du monde qui arrêtait, mais personne voulait y en acheter. Puis la phrase qui revenait le plus, c'était... Ben là, on est la veille de Noël, tu devrais nous faire un deal. Tu sais, mon père, dans son cœur pur, mais terrorisé, il savait, il faut pas que je vende en dessous d'une scène l'allumette, sinon le bonhomme va me tuer. Fait qu'au bout d'une couple d'heures, ben, il commence à avoir fret, tu sais. Puis faut dire que dans ce temps-là, l'hiver, ça s'était pas encore trop maîtrisé, là. Tu sais, la plainte électrique, hein, on appelait ça un poêle à bois, puis le bois, c'était les riches qui avaient ça, tu sais. On chauffe au bébé. Ben oui, ben tu sais, le monde pauvre comme mon père, là, ça pouvait toujours se chauffer avec de la merde. Hein? Ben ça marchait, là. Mais tu sais, quand tu manges pas, tu chies pas, il chauffait pas. Tout le temps frais. Oui, la spirale. Mm. La spirale de la violence. Ouais, c'est ça. La violence, t'as mis. Il était 22 chez eux. Hein? Ah, t'as pas. Ouais, ça. Juste assez monter deux équipes de football. Parenthèse. Le football, là, hey, c'est un esti de beau sport. Hein? Premièrement, parce qu'il n'y a pas de fusil. Et deuxièmement... c'est vrai, il n'y a pas de fusil au football. J'ai jamais vu de fusil au football. Dernier Boy Scout, peut-être qu'il y en avait un. Ben oui, au début, hey, c'est Billy Blank se suicide au début, man. Bang! C'est son plus grand rôle. Le plus gros. Deuxièmement, hein, qu'est-ce qui manque dans le football? Des couteaux, Tommy. Non, mais tes équipes au max... Tout le monde a son couteau. Tes équipes au maximum, des armures en métal, des rayons laser à ses bras, des piquants à ses coudes, tu sais. Puis là, tu crisses le feu partout autour du terrain puis t'empoisonnes le ballon. Ben, mon père, là, dans cette parenthèse-là, là, pouvait passer trois quarts d'heure, une heure à nous expliquer les règlements puis comment ça serait quand même facile de faire ce sport-là juste en modifiant deux, trois lois du code pénal. Ben, tu vois, c'était quelqu'un de pratique, hein, il voyait le contexte, grand, hein. Ouais, c'est ça? Oui, il voyait grand. Alors, des fois, il partait, là. Ouais. Bref, le père avait fret, tu sais. Il avait fret avec 3T, parce qu'au Québec, Molson salue les vrais quand les montagnes sont bleues. C'est vrai, hein, c'est vrai. On a pas oublié. Fait que dans un dernier espoir de pas perdre les 9 doigts qui y restaient, ben, il s'est craqué une allumette. Là, tu vas me dire, 9 doigts, oui, Tommy, hein, il avait perdu un doigt dans sa vie, mais ça, c'est une autre histoire. Ça a rapport avec un été fantastique, un trésor puis des pirates qu'un jour, peut-être, sur la MDMA, je te raconterai. Ah, le... Rebref! Je me suis fait une chronique en attente. Ouais, ben ça me va bien. Va. Rebref, il a craqué l'allumette, puis là, ben comme par enchantement, hein, il a vu. Juste à côté de lui, il y avait un enfant avec des beaux souliers, un beau manteau bleu, puis un petit bonnet tout blanc. Un foulard rouge vin puis des mitaines. Tu sais, dans le fond, tout ce que mon père détestait, mais en même temps voulait, tu sais. Soit la chaleur du confort capitaliste. Ou dans mon langage, du linge. Le jeune, il avait à peu près le même âge que mon père, de 6-7 ans, tu sais. Fait que là, le petit gars, en voyant mon père, il a demandé à sa mère, « Maman, hein? Maman, pourquoi le petit garçon, il est habillé en guenille pis qu'il pue? » Pis là, ben sa mère, hein, qui avait même pas remarqué mon père tellement elle était occupée à regarder la vitrine du magasin juste à côté, elle s'est exclamée, « Mon Dieu, William! » Éloigne-toi du gueux! Tu pourrais pogner sa maladie puis devenir pauvre! Viens là! On va aller voir dans la boutique si maman pourrait pas s'acheter des souliers Gucci ou peut-être une grosse crise de Rolex pour rien! Mais là, le petit gars il a dit: non, maman! Ce n'est pas juste! Ce petit garçon n'a rien et moi j'ai tout ce que je veux! C'est Noël et l'esprit des fêtes me dit que je dois faire quelque chose! Puis là, il a fouillé dans ses poches. Puis il a sorti une craie. Bleu pâle. Puis il l'a donné à mon père. Une craie de Noël. Là, mon père l'a pris au début, mais il savait comme pas trop quoi faire avec. T'sais, jamais personne n'y avait rien donné, lui, dans sa vie. T'sais. Fait qu'il a essayé d'y redonner. T'sais. Là, le petit garçon, il l'a regardé, puis il a dit non. Il a dit, non, garde-la. Tu vas pouvoir dessiner ce que tu veux pour Noël. Quand même, tu sais. Et c'est là que la magie de Noël est arrivée. Hein? La mère, là, complètement émotive devant autant de bonté humaine, a sorti un vin, elle l'a donné à mon père, a sorti son gun et est rentré dans le magasin, a gonné tout le monde parce qu'elle s'est collé une balle dans la tête. La magie de Noël. Voilà. Non, je sais, Guise, ça fesse, ben c'est comme ça, tu sais, des fois, tu prends conscience. Noël est magique à sa manière. Hein? Voilà. À chaque Noël, sa magie. Ce Noël-là, là, ben mon père, il est devenu le héros de la famille, hein. Ben, tu sais, il a ramené une bouteille de fort au père, 20$, un nouveau petit frère, William, rebaptisé Steve, parce que comme mon grand-père disait, Steve, c'est moins compliqué. C'est pas fou. C'est comme ça. Puis, il a ramené aussi, ben, hein, une craie bleue pâle. Mais mon père, il a jamais dit à personne qu'il possédait cette craie-là. Parce que dans le temps, mon grand-père avait strictement interdit la possession chez eux. Hein. Ah oui, il disait ça rend fou. Comme ça. Fait que pour être sûr que personne la trouve, hein, ben il l'a caché dans le seul endroit où personne irait fouiller, sa cavité nasale. Il a caché la craie pendant 15 ans dans son nez. Ben jusqu'à temps qu'il y ait des enfants, tu sais. Là, pendant ça, Lulu, ben... Fait que là, comme tout le temps, hein, mon père, il se levait puis prenait une petite boîte là, qu'il gardait juste à côté de son huile de hache. Il l'ouvrait, puis il sortait la craie. Là, il dessinait une dinde sur le mur, des pots de sauce, des frites, des pâtés, puis il disait « Je suis devenu un homme le jour où j'ai compris que ce qui me rendrait riche, c'est l'ignorance des hommes. » Puis il avait raison. Tout de suite après, il nous disait « Bon appétit », puis on se gavait dans la craie, tu sais. Bon, aussitôt mangé, il nous garochait des oranges en nous gueulant d'aller se coucher puis de fermer nos gueules. Puis quand on était tous absolument terrorisés dans nos cages, il venait, puis il nous disait à voix haute pour que tout le monde entende « Je t'aime, mes enfants. Joyeux Noël, mes toués. » Puis là, il tapait dans la lumière pas fermée, tu sais. Des souvenirs impérissables. Font de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Voilà, du moins un 70%. En terminant, mon père, à travers son histoire, il voulait nous enseigner qu'il faut donner une chance aux autres. Hein? Que derrière chaque personne, riche, pauvre ou entre les deux, il y a un potentiel puis une expérience de vie qu'on doit aimer et respecter. Que tendre la main, c'est découvrir l'autre, le rencontrer. Puis que l'ignorance des sots, mais c'est la raison même de leur souffrance. Ah. Puis c'est pour ça que pour la nouvelle année, je nous souhaite, comme d'habitude, d'écraser la compétition, d'envier la vie misérable des suiveux, puis de mentir comme tout le temps, gang de sti hypocrites. Continuons à voter à grands coups de baillon, puis à penser que demain tout ira bien. Je maudis 2014 d'ouvrir vos yeux, calice. Bonne année. Merci Mathieu, bonne année à toi aussi. Hein. Tu diras salut à ton fils, de belle fête, j'espère que vous passez à la maison. Oh oui, c'est cool. Sinon, ben, peut-être que tantôt, il y en a qui ont comme vu le... On se lance... c'est Tyson D qui chante Trop Lolo, je suis sûr que ça va te... Ça va me remettre dessus, hein? C'est ça. On est à 70%, on revient pour le dernier bloc à Bruno. Ah. Merci Bruno d'avoir égayé notre heure la plus sombre. Ça fait plaisir. Oui, alors un homme de Elizabethtown au Kentucky s'est tiré dans la jambe après avoir échappé son gun qu'il avait déposé sur le rouleau de papier de toilette de la salle de bain d'un restaurant. Il y a des développements là, attendez. Ça va bien. Ben moi je pense que c'est un bon premier acte. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une l'épilogue s'en vient. Le sergent David Neary affirme que la trajectoire de la balle supporte la version des événements du blessé, sans compter le fait que qui c'est qui aurait inventé cette hostie d'histoire là. Alors que des policiers fouillaient une scène de crime, un suspect qui avait été menotté et laissé dans la voiture de patrouille a réussi à s'échapper et à se rendre chez sa blonde. L'homme de 29 ans a été retrouvé par les policiers et a été accusé d'évasion en plus d'une accusation pour vol de menottes. Il devra comparaître le 2 janvier. C'est bon. Mais oui, c'est ça. C'est sauvé avec les menottes, tu sais. Ah, c'est bon. Let's go, Bruno. Une femme de 29 ans de Deltona, en Floride, a été arrêtée pour avoir lancé du beurre de peanut dans le visage de son frère. Selon le rapport du shérif, Rachel Bird se chicanait avec son frère parce que le chien avait uriné dans la maison. Le 911 a été appelé, mais la personne ayant raccroché immédiatement, la police s'est quand même présentée sur les lieux. Et le frère Gabriel Byrne, qui ne voulait pas porter plainte, leur a dit de s'en aller. Mais les policiers ont quand même vu le bar de peanut qui coulait dans sa face. Alors, ils ont décidé d'arrêter sa sœur pour voie de fait. Elle est retenue en prison, sans caution. Voilà. Pour avoir lancé du bar de peanut. Mais oui, mais c'est parce que c'est... Ça, ça se passe en Floride, ça, là. Ouais, c'est un pays spécial, la Floride. Ben, tu sais, le bar de peanut, la Floride, tu sais comment c'est, hein? Oui, je te suis, man. C'est un noir qui a inventé ça, hein, le beurre de peanut. Oui, c'est ça. C'est sensible, voilà. Ostentatoire. Ouais. Oui. Le pinostentatoire. Le pinostentatoire, butter. Ouais, c'est ça. Allez, let's go, man. D'accord, alors la dernière, avant qu'il ne soit complètement retiré des internets, ça vient de se passer aujourd'hui ou hier, le site web servant de générateur de conseils complètement déconnecté pour les esclaves employés de McDonald's avait ajouté une série de conseils plutôt étranges poussant ses employés à ne pas manger de fast-food. Oui. Afin de rester en santé. Le site affirmait que malgré... qu'elle soit pratique et économique pour un style de vie occupé, le fast-food est typiquement riche en calories, en gras saturé, en sucre, en sel, et peut mettre certaines personnes à risque de devenir obèses. Oui, ces conseils font suite à une série de recommandations tout aussi biscornues et inconséquentes, comme le fait de couper sa nourriture en petits morceaux pour combattre la faim, retourner ses cadeaux de Noël pour renflouer ses coffres et se trouver un deuxième emploi pour... faire de l'argent pour arriver là, mais ouais, dans le budget qu'ils proposaient, ça tenait en compte le fait qu'il y avait un autre emploi qui vendait tous leurs cadeaux de Noël puis qui mangeait des petites bouchées, et en faisant ça tu pouvais accumuler jusqu'à 100$ par mois et ainsi réaliser tous tes rêves. Oui, les plus fous, les plus cinglés, les tabarnak sont débiles. Ou aller voler des menottes. Mais là, c'est dommage parce que c'était la dernière chose qui arrivait sur ce site internet là et ça a été retiré pour deux raison non reliée, là. Ah ben merci beaucoup, Bruno. Un plaisir. Ça nous amène pas mal à la fin de ce 70% tout à fait unique et mirobolant. Restant en onde, on va sûrement parler un petit peu de spécial de Noël juste après. Ici, j'ai... je sais pas c'est quoi ça. On l'écoute. England is the land of freedom, fa la la la la la la la la. You're free to chase the cops and beat them, fa la la la la la la la la. What to do, you surely ask, we simply will make Big Ben a mosque. Law abiding people we are, fa la la la la la la la la. So will all obey Sharia, fa la la la la la la la la. Paris, the romantic city, fa la la la la la la la la. Someone bird maker, oh pity, fa la la la la la la la la. That's what happens when you tease Islam, the greatest creed of peace. But it makes me feel so jolly, la la la la la la la la. Prouve d'être molti caldis holy. Wa la la la la la la la la. Here in Oslo, hear my daughter. Fa la la la la la la la la. Hide your hair or they get hotter. Fa la la la la la la la la. When they rape you, don't object, for that is politically incorrect. But don't worry, daddy's clever. Fa la la la la, here's my advice. Just avoid our streets forever. Fa la la la la, and life is nice. We look forward to our future. Fa la la la la la la la la. Meanwhile we learn our new posture. Fa la la la la la la la la. We shall bow our heads with grace if it is still resting in its place. Our kids will learn their dad and mommy. Fa la la la, if it's not too late. We're a bunch of shallow dummies. Fa la la la la, Allah is great. Allah is great. Charlie God, et voilà. Et voilà, c'était la dernière de 70% pour 2013. Ça a été encore une fois un grand plaisir de faire cette émission magnifique avec tous les amis et les ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, fait que c'était juste les amis. J'ai pas vraiment grand-chose à vous parler des films qui s'en viennent. Vous allez voir dans le désordre, il y a Une nuit à l'école, qui est un film de Noël avec Vincent, pas Graton, là, l'autre, Vincent Bolduc, qui était tout jeune, et Sarah Jessica Parker, me semble. Batman, qu'on me dit? Jessica Parker. Whatever. Il y a, il y a aussi, on va avoir le spécial de Noël de Mr. T. Il va avoir une parade de Noël qui n'a pas rapport avec Noël, mais qui ont recyclé en Noël, vu que c'est Disney qui ont dit, vous allez dire que c'est Noël. Il y a le spécial de Noël de Rambo, qui est un 20 minutes dans lequel Noël va être sauvé par Rambo, le Père Noël qui faisait des jouets pour les enfants. Va être sauvé par... C'est pas une joke, c'est pour vrai. Et j'en oublie d'autres, là. En tout cas, après, je vous ai préparé une belle playlist. On a le Star Trek de Noël. Oui, celui-là, c'est pas le moins aride. Ça reste quand même un spécial de Noël très particulier. C'est pas mal l'essentiel, je dirais, rendu là. Vous allez passer un bon temps des fêtes. Et puis, lundi prochain, on vous revoit avec Étienne Forêt. Et on devrait avoir comme invité Papa Shango. Et puis, on va recommencer les votes aussi au www.douteux.org. Parce que lundi prochain, c'est la rétrospective de ce qui s'est passé de mieux en 2013. Donc, avertissez vos parents et puis toute votre famille que ça va être important d'aller voter quand je vais vous envoyer le mot de code. Le mot de code, vous allez le reconnaître. C'est Tommy qui vous souhaite, comme j'ai dit tantôt. Là. Bye! Bye! Bye Noël, bye!